Écoutez le texte suivant. Relisez-le à haute voix en respectant le rythme du français. Aimez-vous les marchés en plein air? Moi, oui, beaucoup. Pourquoi? Bien, on y trouve un peu de tout et naturel à part ça. Regardez-moi ces fruits et légumes qui regorgent de soleil, de vitamines. Ça, c'est bon pour la santé et pour le palais aussi. C'est vrai que c'est un peu plus long à préparer, mais ça vaut le coup. Au bout de la ligne, c'est Mère Nature qu'on retrouve. Et ça, qui est contre ?